Selon Yonhap News de Corée du Sud, le rassemblement d'Uzongbu pour l'éclaircissement de la catastrophe du paquebot Sewol, la direction du mouvement d'Uzongbu pour la destitution de Park Geun-hye et autres organisations de cette ville de la province du Gyeonggi ont tenu le vide courant dans une école un meeting commémoratif des victimes de Sewol à l'occasion de 1000 jours de la catastrophe et exigé de Park Geun-hye de prendre la responsabilité de l'accident et de démissionner sur le champ.